Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse La Pologne et le féminisme, une série documentaire de Joanna Gruzinska, réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a 100 000 femmes abritées sous des parapluies avec un cintre à la main dans les rues de Varsovie en 2016 et la question de l'avortement. Il y a aussi un régime autoritaire et nationaliste qui s'attaque aux droits des femmes et un pays catholique venu à bout du communisme, mais peut-être au détriment du féminisme. Alors pour commencer, les personnages. Une comédienne, des femmes libres, la gardienne du foyer, une gréviste qui entraîne les autres et des communistes. Ensuite, le décor. Les films de Vajda, le souvenir de Solidarnosc, la chute du mur, un théâtre indépendant, le fantôme de Gombrowicz, la nostalgie, le parlement, la grève du sexe, l'empathie et une tente. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est au cinéma. L'inquiétude morale en héritage. Pan Tomczyk teraz nie może podejść. Bardzo mi przykro. Ale powiedział mi pan, że tu jestem. Oczywiście, proszę pani. I że tu już przychodzę trzeci dzień. Oni tam obradują dzień i noc. No wpuśćcie mnie chociaż na chwilkę. Nie mogę, naprawdę nie mogę, proszę pani. Przecież ja jestem matką. Rodzin nie wpuszczamy, proszę pani. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, moją rolą taką sztandarową, encyklopedyczną była rola Agnieszki w Człowieku z marmuru. To jest rola, która bardzo wpłynęła na postawę polskich kobiet. La figure ou le rôle qui était d'énorme importance, c'était le rôle d'Agnieszka dans L'homme de marbre. Je suis matko, mam chyba prawo. Elle faisait ce qu'elle voulait. Samowolnie przerwali pracę, jest przyjście do przedszkola. C'était une femme metteur en scène. Elle devait tourner le film documentaire sur l'ouvrier polonais dans l'état où il y avait le gouvernement totalitaire et la censure. Alors, cette jeune femme a barré toutes les choses qui faisaient que c'était impossible. Elle est très droite, très sûre, très violente, très, comment on dit ça, bestelle, non ? Arrogante, oui. Arrogante contre cette force, forte pouvoir, réaliser ces choses. Et c'était complètement nouveau en Pologne. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient l'exemple poursuivant, c'est-à-dire beaucoup de femmes dans l'opposition polonaise. Il y avait beaucoup de femmes. Les révolutions en Pologne ont fait les femmes. Et que wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród. Krystyna Janda est l'actrice la plus célèbre de Pologne. Elle a incarné des figures féminines marquantes du cinéma polonais, celui d'Andrzej Wajda en particulier. Son jeu frontal et puissant en ont fait une icône. Kiedy zagrałam w Człowieku z marmuru, okazało się później, że wszystkie propozycje następne zostałam naczelną aktorką kina moralnego niepokoju, który stworzył głównie Andrzej Wajda i zespół filmowy X. Après L'homme de marbre, dirigé par Andrzej Wajda, je suis devenue une égérie du cinéma de l'inquiétude morale, c'est-à-dire l'école du cinéma d'opposition. Pour... Cinéma de l'inquiétude morale, ça s'appelle comme okay. ça. C'est vague dans le cinéma, oui, oui. C'était une vague principale, une vague très importante du cinéma polonais dans le temps-là. Dlatego w scenariuszu dał mi dziecko. Kazał mi ciężko pracować w ciąży. Dans le scénario, j'étais enceinte, j'étais obligée à travailler très très fort pendant ma grossesse. La femme, voilà, c'était justement l'obligation des femmes de travailler, de garder le feu domestique pour que tout ça soit possible. Agnieszka, la femme de l'homme de marbre, elle s'est transformée en cette gardienne du feu domestique. Później telewizja, 10 lat później, 8 lat później, nie wiem, powiedziała, że oui, nie wolno 10 ans après, je ne me souviens plus, la télévision polonaise a aussi décidé de ne pas m'engager parce que mon visage rappelait les événements inutiles au public polonais. No, dojechaliśmy. No chodź, chodź, chodź. Po co ty leciłaś? Po co ty leciłaś? Pa, chłopcy, pa. Przesłuchanie powstało, było jednym z tych filmów, z tych iluś filmów, 10 czy 15, w których wtedy zagrałam. L'interrogatoire a été un de 10 ou 15 films dont je jouais dans le temps-là. Ja na zawsze zostałam przypisana do grupy w kulturze opozycyjnej. Comme ça, moi, j'ai obtenu une étiquette d'une membre du groupe d'opposition. I teraz, kiedy commencé à tourner l'interrogatoire, j'ai su que c'est peut-être un des scénarios, un des choses, un des événements les plus importants dans ma vie. Idea, żeby kobietę postawić przeciwko całemu systemowi totalitarnemu. Poser une femme contre tout le système du pouvoir ma envahi. Co więcej, to była en plus, postać, c'était un personnage qui a eu du sens commun profond. Elle a pensé dans la manière très simple, très humaine. Et ça quand même mise à nu la misère du système, la misère de réalité polonaise. Kiedy kręciliśmy przesłuchanie, pendant le tournage de l'interrogatoire, on a justement espéré de pouvoir finir ce film. C'était justement pendant les derniers jours de tournage que la Pologne a introduit l'état de guerre. I teraz tak, wiedzieliśmy wszyscy, że będziemy potem przesłuchiwani, że będziemy, ponieważ na planie byli ludzie, którzy się donosili. Dans l'équipe. Donc, nous avons pris conscience qu'on va être interrogés nous-mêmes après le tournage. Le réalisateur de ce film a été banni de Pologne. Il était forcé de quitter le pays. Il ne pouvait pas retourner qu'après la chute du mur. Et moi, après ça, je ne pouvais pas être engagée dans les productions majeures. Je pouvais seulement jouer au théâtre. Potem nastała wolność. 25 lat wolności. Po 25 latach zostałam mianowana, czy jakby wybrana, człowiekiem wolności w dziale kultura. Et puis, la liberté. 25 ans de la liberté. Après 25 ans, j'étais nommée l'homme de la liberté dans la culture polonaise. Człowiek. Donc. I teraz, dlaczego? Oczywiście miało znaczenie przeszłość, ale ja przez te 25 lat... Moi, j'interprète ces prix à ce teneur norme, pas seulement comme une revendication du passé politique, mais aussi dans la lumière de ce que j'ai fait pendant les 25 années après la chute du mur. C'était moi qui ai fondé les premiers théâtres privés indépendant en Pologne, j'ai vendu ma maison. Je dois dire que c'était pas le théâtre privé, c'était le premier théâtre dehors de l'organisation nationale. Krystyna Janda, la star aimée de tous les Polonais, devient à l'automne 2016 la figure de proue du mouvement féministe. Maintenant, tout à coup, tout s'est changé. Je disais avant, j'ai donné ostrzeżenia. Avertissement. Że jeżeli wygra PiS, to wszystko się zmieni. Si le droit et justice va gagner, tout va changer. Przez całe moje życie stałam się człowiekiem zaufania publicznego w Polsce. Od początku byłam w opozycji do dzisiaj rządzących. Depuis le début, j'étais en opposition au parti au pouvoir maintenant. Specjalnie byłam w opozycji do wszystkich postanowień i wszystkiego, co dotyczy kobiet i sytuacji kobiet w Polsce. Je suis toujours surtout en opposition à toutes les activités, toutes les décisions qui concernent les femmes en Pologne. W związku z tym wszystkie te nowe wiadomości, wszystkie decyzje polityczne, wszystkie przemówienia, artykuły zamieszczałam u siebie na stronie internetowej i w Facebooku. C'est à cause de ça que je publiais tous les messages, tous les articles, toutes les interventions publiques sur mon page sur Facebook et sur mon page sur mon site internet. W związku z tym pewnego dnia, jak napisałam zupełnie une journée, j'ai écrit sur mon page Facebook, si on répéterait la grève à la islandaise, les protestes des femmes. Ale nie wierzę w solidarność kobiet, napisałam. Plus tard, j'ai appris que c'était 20 minutes après mon poste qu'a été créé le comité organisateur de ces protestes. Dzisiaj na nowo trzeba manifestować, na nowo chodzić, ponieważ sytuacja jest ciągle ustawa nous devons toujours marcher, toujours manifester. La question d'avortement est toujours en discussion dans le parlement. Donc nous sommes obligés à marcher. Było zupełnie dla wszystkich niespodziewane. Je trouve que ce poste, cette remarque a eu une importance inappréciable. C'était vraiment énorme, le nom des femmes sur les rues le 3 octobre. Oczywiście dzieje się to we wszystkich dziedzinach życia, także nauki w Polsce, ale sprawy kobiet mnie interesują najbardziej. On voit les problèmes dans tous les domaines de la vie, en science aussi, mais la cause, la question des femmes est la plus importante pour moi. Non, la chose est simple. Les femmes dans le monde ne veulent pas que quelqu'un d'autre décide de sa vie, de ses pensées, de sa situation. Les femmes sont intelligentes, les femmes sont éduquées, les femmes sont fortes, les femmes sont, la faiblesse est seulement dans la poésie qu'ils ont dans la tête et c'est tout. Après ça, elles peuvent absolument construire tout. Le monde, moi, je pense qu'après ces pouvoirs qui sont maintenant en Pologne, il faut que les femmes font le gendre. Forme le gouvernement. Il faut absolument traverser les épisodes dans l'histoire que les femmes ont au pouvoir. Et après, on peut se couper en moitié. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok. Równy krok. Jak masz. A ja jestem. Proszę pana na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Ok, on y va? Alors, on est devant le Parlement à Varsovie. Il est 14h en semaine et on est devant la tente du mouvement de l'opposition au gouvernement actuel. Donc le mouvement a installé une tente qui est une sorte de tente en fait de rassemblement avec devant une petite caisse pour pouvoir donner de l'argent pour ce mouvement qui ne concerne donc pas seulement les droits des femmes à disposer de leur corps mais tout un tas d'autres prérogatives contre lesquelles le gouvernement est en train d'agir, comme la liberté tout simplement d'expression ou la liberté pour les médias de pouvoir entrer librement dans le Parlement et faire leur travail. Et on est ici avec Clementyna Sukhanov, qui est donc une activiste du mouvement féminin actuel en Pologne, et toujours avec notre amie Agata Czarnacka. Il y a devant le Parlement une sorte de grand tableau avec écrit dessus le décalogue des libertés. Donc ce n'est pas le décalogue biblique, ce n'est pas non plus le décalogue de Kieślowski, c'est le décalogue des libertés, une petite variante politique et militante du décalogue. Alors Clementyna et Agata, on vous écoute. Władza nie może ograniczać. Le pouvoir ne peut pas limiter. Wolności słowa. La liberté des paroles. Wolności mediów i internetu. De la liberté des médias et d'internet. Wolności zgromadzeń. La liberté des rassemblements. Wolności sumienia. 4. La liberté de conscience. Wolności organizacji obywatelskich. 5. La liberté d'association civile. Wolności samorządów. 6. La liberté d'autogestion et de gouvernement local. Wolności kultury. 7. La liberté de culture. Wolności nauki. 8. La liberté des sciences et de recherche. Wolności gospodarczej. 9. La liberté économique. Wolności parlamentu. 10. La liberté du parlement. Gwarancją wolności jest niezawisłość sądów i trybunału. La garantie de dite liberté est l'indépendance des cours et du tribunal constitutionnel. Warszawa, ulica Wiejska, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 24 grudzień 2016. Varsovie, rue Wiejska, devant le Parlement de la République de Pologne, le 24 décembre 2016. Episkopat upoważnił PiS do odrzucenia projektu obywatelskiego. L'épiscopat... C'est la conférence des évêques a autorisé le parti droit et justice à rejeter les projets des citoyens, les projets de loi sur l'interdiction totale de l'avortement. Ok, on va rentrer dans la tente. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, my tutaj jesteśmy z francuskim radiem. Proszę Państwa, za sekundeczkę, bo staramy się włączyć prąd, dobrze? Zapraszamy do środka. Dobrze, to my wchodzimy, dobrze. On nous propose de nous asseoir, de nous installer. Klementyna Sukhanov écrit une thèse sur l'écrivain polonais en exil, Witold Gombrowicz. Elle est aussi une des militantes les plus actives du mouvement. Je n'étais pas engagée dans les questions de femmes auparavant, pas du tout. Cette question pour moi a commencé avec le projet de loi en octobre de terminer l'abortion en Pologne. Pourquoi j'ai une fille de 14 ans, comment je dis. C'était très choquant pour moi de voir que moi, j'ai passé mes années d'école, de l'université, il y a presque 20 ans. Moi, j'avais la liberté de décider sur ma vie. Maintenant, peut-être, elle est dans la situation quand cette possibilité était finie, sera finie. Donc, j'ai décidé, je dois réagir, faire quelque chose. Pour elle, en fait. Pour elle, oui. Pour arrêter le gouvernement de faire pénaliser, c'était sur la pénalisation de l'abortion en Pologne. Quand tu dis que toi, tu avais la liberté de faire ce que tu voulais, c'est pas complètement vrai parce que c'était déjà très restrictif, oui. Non le... Oui, c'était restrictif, mais il y avait, par exemple, des contraceptions que maintenant, c'est en question. Il y a un nouveau projet qui peut-être sera... ou sera peut-être inclus la pénalisation de contraceptives en Pologne. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Je ne peux pas le croire. Et je simplement, je marche avec les gens qui marchent, je proteste avec les femmes, les amis qui protestent. De temps en temps, nous faisons des actions, on peut dire, plus directes. Comme par exemple, protester à la maison de Jarosław Kaczyński, qui est le leader de Pologne, de toute la Pologne. Je ne sais pas si vous avez un mot en français pour décrire. C'est une action directe qui s'appelle en espagnol, par exemple, un scratch. C'est une action à la maison ou au lieu d'une personne qu'on veut ridiculiser, par exemple, ou attaquer plus personnellement. Et vous avez fait... C'était quoi les attaques? Qu'est-ce que vous disiez devant la maison? C'est quoi les slogans? Enfin, c'était des slogans, en tout cas. Vous n'avez pas des jeté slogans. Des slogans. Oui, oui, choses comme ça. Ah, vous avez jeté des Mais c'était une... Oui, là c'est plus transgressif, c'est plus violent. Oui, c'est plus violent, oui, c'est plus violent. Non, il y avait des choses sur les chats de Jarosław Kaczyński, oui. Parce que et c'est comme une légende de Pologne. C'est un nom qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfants, mais c'est un nom qui habite seulement avec un chat. C'est une personne qui décide sur ma vie, sur la vie de ma fille, une personne qui ne sait pas rien de la vie en famille, des mm-hmm. décisions qu'il faut prendre, des problèmes. Les problèmes de l'Église est lié avec, historiquement, avec toute l'image de la femme polonaise. Et j'ai un exemple de la mère de Witold Gombrowicz, exactement, qui était très féministe à cette époque. Elle a écrit quelques articles très féministes en 1905, un an après la naissance de Witold. Mais en même temps, elle était très religieuse, donc elle ne pouvait pas se libérer en réalité. Ça, c'était un conflit permanent dans la vie de la mère de Witold. C'est un problème qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire que la femme polonaise, de point de vue historique, je crois, c'est une femme très forte. C'est une femme qui était pressée à s'occuper de la famille quand les gens étaient allés à la guerre ou choses comme ça. mais en même temps très dominée par l'Église. C'est très difficile et c'est très choqué pour moi de voir que la femme polonaise, tant libérée avec toutes les années de communisme qui ont donné beaucoup de droits aux femmes, est toujours tellement dominée par l'Église. Donc ça, je crois, c'est le problème de la Pologne aujourd'hui. Le combat entre libération personnelle, et ce sont les femmes en Pologne qui sont les plus libérées, les plus libérales, l'Église. Ja jestem piękna Lola i życiowego gola. Nie jeden już żigolak próbował strzelić mi. Choć młodość już przemija i menopauzy żmija, w pościeli mej się zwija, wciąż miłość mi się śni. To tango feminista, pokocham go avista, w ramionach jego przystań bezpieczną pragnę mieć. To tango feminista, wszak miłość jest parzysta, więc ty się do mnie przystap, a ja nie powiem nie. Bonjour, nous sommes sur le terrain des chantiers navals de Gdańsk. C'est le 20 août 1980. C'est ce jeune homme, Maciej Tomczyk, qui a déclenché la grève. Panie Tomczyk, proszę nam powiedzieć, w jaki sposób strajk się zaczął. To 14 sierpnia rano myśmy przyszli do roboty na stocznie tutaj we trzech wcześniej. Dwóch chłopaków i ja. Katarzyna Kondziela a une soixantaine d'années. C'est une ancienne militante de l'opposition démocratique. Après la chute du communisme, elle a travaillé avec le premier gouvernement démocratique de gauche. Et aujourd'hui, elle est une des leaders du parti L'Initiative Féministe. Tak to szło. Najgorzej było oczywiście na samym początku. Et c'était comme ça, ça se passait comme ça. Le pire, c'était au début de l'état de guerre, quand le pouvoir a encore tiré sur les ouvriers dans la mine de Wujek. Mais après, tout le monde s'est soutenu et on a survécu quelques années. Et c'est une expérience que chaque Polonaise a dans le sang. No, potem to było takie doświadczenie, które Polki mają w sobie. To się on receptionnait des tracts, on les faisait circuler. On faisait la queue dans les magasins avec nos cartes de ravitaillement. On gardait les enfants des unes des autres. On s'entraidait quoi. On aidait les filles seules. C'est une expérience normale de femme. Normalne doświadczenie kobiety. I żeby nie było, to nie tak, że myśmy wpatrzeni w święte obrazy na kolanach marzyli wyłącznie o obaleniu komunizmu. Myśmy się kochali. On ne passait pas notre temps à contempler à genoux des images saintes. Normalnie żyliśmy. Oczywiście z całym sobą. En rêvant à la fin du communisme. On s'aimait, on s'amusait, on vivait normalement. Ale nie sądzę, żeby... Bien sûr, on voulait le changement. Mais je ne pense pas que le plus grand optimiste du monde aurait pu deviner alors que tout cela se terminerait si vite. Que même l'Union soviétique, qui semblait éternelle, s'écroulerait. Z tych lat oczywiście najbardziej pamiętam takie najbardziej wzruszające, fantastyczne momenty, na przykład audycję Radia Solidarność. Je me souviens le mieux des moments émouvants et fantastiques. Ale też momenty straszne. Par exemple, les émissions de Radio Solidarité qui brouillaient les ondes des émissions du gouvernement. Mais il y avait aussi des moments terribles. L'assassinat du prêtre Popiełuszko, c'était un cauchemar. La mort du jeune bachelier Grzesz Przemyk, terrible. Mais on donnait naissance aux enfants, on faisait la queue, on vivait tout simplement. Ja zajmowałam się funduszem SOS, który zrobił, powołał Jacek. Myśmy Je m'occupais d'un fonds caritatif de la Fondation SOS que Jacek Kuroń avait créé. On rassemblait de l'argent et des denrées pour aider les laissés pour compte de la démocratie, acquis cette année 1989, quand la Pologne a recouvré l'indépendance, a été le début de la fin. Ils ont perdu leur travail, leur maison, leur argent. C'est comme ça qu'est née cette soupe solidaire de Jacek Kuroń, que j'ai préparée moi-même, entre autres. Pourquoi j'ai dit qu'on a tout foutu en l'air? Parce qu'il s'est avéré que dans notre pays, il y a des gens qui ont faim, qui sont jetés à la rue. On pensait bien qu'on aurait à aider des hommes sans domicile fixe. C'était la conséquence de la fin des aides sociales des entreprises d'État qui ont fermé leurs hôtels ouvriers. Il s'est avéré aussi que dans notre cher pays, ce sont d'abord les femmes qui sont licenciées, avec aucune protection. Au début des années 90, à Lodz, la ville des femmes, où des milliers d'ouvrières travaillaient, elles ont toutes été licenciées du jour au lendemain, sans aucune aide. Ensuite, il s'est avéré que non seulement les femmes perdaient leur travail, mais que dans cette nouvelle démocratie, elles perdaient également leur liberté individuelle. One wszystkie poszły na bruk, bez żadnego zabezpieczenia. A potem okazało się, że nie tylko nie ma pracy dla kobiet, ale że kobiety tak łatwo mogą w tej nowej naszej Polsce stracić osobistą wolność. W 93 roku, zresztą na wniosek w końcu ludzi z byłej opozycji demokratycznej, odebrano nam Polkom wolność osobistą. En 1993, du fait d'anciens opposants au régime communiste, on nous a enlevé la liberté individuelle, puisque la loi interdisant l'avortement est passée. Au début, on voulait même que la loi punisse les femmes de peine de prison. Et ça, c'est quelque chose qu'ont fait passer les anciens d'opposition, pour remercier l'Église de son aide du temps de l'opposition. C'était, et c'est toujours, dégueulasse. C'est le début de mon féminisme. Et maintenant, je vois qu'il est taki sam jak ojciec. Taki sam. Już nic nie chce, tylko żeby on żył. Bo oni go zabiją. Zabiją go jak ojca. Zabiją go. Les politiciens polonais, toutes tendances confondues, ne voulaient pas, n'étaient pas capables d'avoir une autre vision que celle affreuse néolibérale. Donc, pour se différencier, ils ont décidé de livrer la guerre aux femmes, aux droits des femmes, en interdisant l'avortement. Stosunkiem do aborcji. Les plus catholiques et de droite disaient que l'avortement est un meurtre. Aborcja to morderstwo. Ci bardziej ceux qui étaient plus à gauche parlaient d'un compromis avec l'Église. À l'époque, jadis, on était tous plus pauvres. Mais l'État d'alors assurait aux femmes, aux enfants, des soins spécialisés dans ces centres de santé. Maintenant, il n'y a pas de cabinet de gynécologie à la campagne et très peu dans les petites villes. Et le gynécologue ne prescrira pas la pilule parce que sa conscience le lui empêche. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est mieux? Quand est-ce que c'était mieux? Jadis ou maintenant? Irena, nic nie jest? Nie. Jacek, co teraz będzie? Jacek, ja nie dostałam tego spadku po ciotce. Co? Ja te pieniądze ukradłam. Ukradłam, rozumiesz? Ukradłam! Vous êtes une réalisatrice reconnue internationalement. Vous avez une très longue carrière de cinéaste derrière vous. Et nous, on aimerait en fait revenir un petit peu sur votre position en tant que femme et en tant que réalisatrice dans la Pologne des années 80. Quand je dis 80, c'est 70 et 80. Enfin, je pense plus particulièrement au film Une femme seule, Kobieta Samotna. Et en fait, de votre ressenti en tant que femme et de la raison pour laquelle vous avez réalisé ce film, l'histoire un petit peu de la réalisation de ce film m'intéresse. En fait. Il faut que je plonge dans des souvenirs, parce que ça fait un bail. C'était mon troisième long métrage que j'ai réalisé en Pologne. Agnieszka Holland. Et j'ai réalisé tous les trois dans le cadre de 3 ans pratiquement, même pas. Une femme seule, c'était basé sur deux mémoires de femmes, de simples femmes. Une était coiffeuse et l'autre, je pense, postière. Et on a créé avec le scénariste une espèce de destin d'une femme polonaise typique qui se bat pour survivre. Qui n'a pas vraiment la place où vivre, qui n'est pas entourée par la solidarité familiale ou solidarité de voisins, le contraire. Elle est celle aussi qui se bat pour garder sa vie d'une femme et aussi sa dignité humaine. Tout ça se passe dans le temps de Solidarność, de première Solidarność, ça veut dire des périodes quand les ambitions populaires, syndicales, les besoins de la justice sociale, ça réveillait dans le peuple polonais. On avait l'impression qu'on est toutes solidaires. Je voulais montrer que c'est pas vrai, qu'il y a beaucoup de ceux qui sont exclus de cette solidarité marchande. Et que ce sont surtout des femmes. Voilà, mais ce n'était pas seulement un message social ou politique, ou féministe, c'était surtout un film un peu existentiel qui a montré le destin de ceux qui sont démunis des droits et qui essayent de vivre ses besoins, ses amours. Et son dignité dans des conditions qui ne sont pas vivables. Ja już nie mogę. Pomóż mi, zrób coś. Tak, nie mów się. Zrób, żeby to nie była prawda. Ces conditions de vie pour la femme polonaise, donc en fait, dans ce moment en fait de passage entre la dictature et la liberté, c'est difficile. Pourquoi en fait? Parce que on dit souvent que sous le communisme, les femmes avaient une liberté presque plus grande en ce qui concerne leurs droits qu'en démocratie libérale et que par exemple il y avait le droit d'avorter qui était octroyé aux femmes et qu'elles avaient une plus grande liberté aussi symbolique, un plus grand pouvoir. En fait, avec ce film que j'ai vu il y a pas longtemps et que je trouve vraiment très très fort, je me rends compte qu'en fait c'est pas du tout ce que vous racontez dans Une femme seule. Alors quelle était la vie d'une femme à la fin des années 70 en Pologne, d'une femme simple et seule comme celle que vous racontez? C'est vrai qu'avec la liberté qui était gagnée en Pologne après 89, les femmes ont commencé à perdre même les droits qu'ils ont eu avant, surtout à cause des pouvoirs de l'Église catholique qui a commencé à grandir et qui a fait une espèce de pacte avec le pouvoir, avec d'ailleurs des équipes de pouvoir différents, des partis différents, pour imposer certains mondes de valeurs qui sont exactement très paternalistes et très, très, très antiféministes. Mais c'était le seul droit, je parle de droit reproductif, qui était le plus grand avant, parce qu'autrement, des femmes étaient esclavées par les conditions de la vie aussi, hein, parce que la majorité des femmes ont travaillé professionnellement sur des postes qui étaient démunis de toutes les valeurs, toutes les ambitions et tous les sens, souvent. Souvent, c'était des postes qui étaient complètement fictifs, dans certaines façons. Mais en même temps, elles ont travaillé dur, et elles ont dû travailler aussi à comme des maîtresses de la maison, et des conditions quotidiennes de la vie, acheter la viande, acheter le pain, acheter les produits essentiels. C'était un corvée, tout était un corvée. En plus, les places dans des crèches, maternelles, étaient très limitées. C'est-à-dire, des femmes ont couru sans arrêt. Je pense que les horaires de leur travail étaient 18 heures, même souvent plus que ça. C'est bien la liberté et les droits, mais que vous n'avez pas les conditions de les exercer, d'en profiter, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, je ne pense pas que dans le capitalisme, c'est tellement différent. Bien sûr, dans des pays qui sont plus riches, où les trucs sociaux sont organisés mieux, les femmes ont beaucoup plus de la liberté quotidienne, mais pas toujours beaucoup plus de droits. Et d'ailleurs, il y a toujours une couche de la société qui, même dans la société qui est relativement bien organisée, où les lois de travail ou les lois sociales sont plus avancées, il y a toujours cette couche qui souffre, hein. Il y a toujours cette couche qui paye. C'est souvent aussi la couche dans les pays développés d'Occident, qui est la couche des immigrés ou illégaux, ou les gens et surtout des femmes qui ne peuvent pas s'en servir de tous les droits que les autres femmes possèdent. Posta. Dobry. Dzień dobry. Piszą, paczkę mi przysłali. Potrzebne pani znaczki? Co? Synek zbiera. Nie, niestety. Cette femme-là, qui était un paria dans la famille, dans la société, était exclue de ses succès, ça veut dire qu'elle n'était pas bonne à fréquenter. Parce que l'égoïsme... L'égoïsme d'une société qui se bat pour l'élémentaire, mais aussi l'égoïsme de la société qui a accueilli déjà pas mal de la richesse, est similaire. Ça veut dire c'est un peu la même chose. Quand on voit quelqu'un qui est plus faible, on se sent supérieur, mais on se sent en droit de la mépriser, ou en tout cas de parler de le monde, la société n'aime pas les victimes. Je ne suis pas une féministe hostile aux hommes. Je suis une féministe qui pense que les femmes ont le droit d'avoir le même droit que des hommes. J'ai toujours collaboré avec des hommes, j'ai collaboré avec des hommes jusqu'à maintenant. Et cette collaboration, en majorité des cas, est extrêmement satisfaisante. Et mes meilleurs amis, ce sont souvent des hommes aussi dans le milieu du cinéma. Mes meilleurs amis, c'était Andrzej Wajda et Krzysztof Kieślowski, qui étaient des hommes. Et voilà, ça veut dire non, il n'y avait pas cette guerre de genre, de gender. C'était intéressant d'ailleurs parce que j'avais toujours un tempérament de leader. Assez rapidement, j'ai pris cette place aussi dans le cadre de notre groupe de la production, où il y avait pas mal de jeunes cinéastes, ou aussi dans l'union des cinéastes. J'ai devenu une présidente de quelque chose. Ça veut dire que j'étais quelqu'un qui amenait un peu la bataille dans ce milieu de cinéma. Et aussi sur le plateau, je me suis comportée sans des angoisses, sans des complexes. Je me souviens quand, assez souvent, quelqu'un a dit « Agnieszka, c'est le seul mec qui porte les pantalons dans ce groupe de cinéma où elle fait des films d'hommes. » D'abord, je l'ai ressenti comme le compliment. Je me sentais fière en me comparant avec mes collègues qui trouvent que je suis plus, comment le dire, plus forte, plus masculine. Et il faut que j'assume, ça ne veut pas dire que je ne suis pas intéressée par des hommes dans ma vie privée, que je ne suis pas intéressée par des hommes dans ma vie sociale ou professionnelle, et que je ne suis pas intéressée par des hommes comme les personnages de mes films. Mais mon point de vue est un peu différent quand même. Et il faut exactement que mon point de vue a le droit d'exister. En plus, je pense que c'est très important que mon point de vue ne sera pas caché ou masqué par certaines neutralités de sexe. Mais ça m'a pris le temps de prendre cette conscience. Dziękuję panu. Dziękuję. Może okno otworzy. On peut dire que leurs caractéristiques sont imprévues, enfin en fait, je dirais pas masculines, mais presque hybrides, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que leurs caractéristiques sont ni masculines ni féminines, mais vraiment spécifiques aux personnages, presque extraterrestres des fois. Enfin, il y a quelque chose de et pourtant ça reste réaliste, mais on a l'impression, on ne sait pas d'où leur vient leur force en fait. C'est presque une force qui vient d'ailleurs. Il y a un truc un petit peu mystique. Je pense que les femmes sont souvent comme ça. Je ne pense pas que ce sont des extraterrestres. Oui, je pense que les femmes ont une force par la nature, peut-être par les rôles qu'elles ont assumés dans des sociétés depuis des siècles, ou des siècles, des milliers de siècles. En tout cas, elles sont en même temps très près de la Terre et capables de faire une transcendance de son quotidien. Ça veut dire d'avoir une certaine liaison avec les choses que vous appelez mystiques. Nie szkodzi. Ja zawsze. Do widzenia. Est-ce que dans ce pays, la Pologne, est-ce que vous avez l'impression que vous avez dû lutter, oui, vous battre, ça vous l'avez dit, pour avoir vraiment votre place? Est-ce que vous pensez que c'est un pays qui finalement, maintenant, vous accepte complètement, pleinement, tel que vous êtes? La Pologne, s'il m'accepte complètement, la Pologne n'accepte personne complètement aujourd'hui. Il y a des Pologne, la Pologne est totalement divisée, et moi je suis acceptée par une partie, par une moitié des Polonais, et je suis haïe par l'autre moitié. Paradoxalement, je pense que dans cette guerre culturelle et politique qui se déroule, et qui d'ailleurs ça déroule pas seulement en Pologne, mais dans certains autres pays européens, peut-être bientôt en France, et qui se déroule depuis certains temps aux États-Unis, depuis quelques mois. Ce qui est intéressant, il faut se poser la question aujourd'hui, c'est pourquoi et comment ça que nous sommes obligés de s'en battre de nouveau, et que pour une couche de la société si grande et grandissante, ce ne sont pas des valeurs auxquelles ils peuvent s'identifier. Et ça, mais ça ouvre une grande discussion où nous sommes aujourd'hui. Mais je me pose ces questions, bien sûr. Je ne suis pas naïve, ni je ne suis pas une optimiste facile, ni je ne pense pas que, bon, c'est un passage, on va gagner, en tout cas, on a raison. Je pense que cette bataille entre le mal et le bien, entre ce côté de la générosité et l'empathie, parce que je pense que l'empathie, c'est quelque chose d'extrêmement important et disparaissant dans le tissu social aujourd'hui, et que c'est les sentiments nationaux qui prend au-dessus. Et tout ça, on est dans un moment extrêmement dangereux, un moment vraiment intéressant en même temps, parce que quelque chose disparaît, quelque chose de nouveau arrive, et le nouveau, c'est pas forcément quelque chose qu'on aimera voir, mais peut-être après ce nouveau désagréable, il y a un nouveau qui sera vraiment un pas en avant. Ça m'intéresse. Je prends ma position de citoyenne, aussi bien en Pologne que dans des autres pays où j'habite. Nous retournons à l'endroit névralgique des affrontements politiques en Pologne, le Parlement. Devant le bâtiment, se côtoient des intégristes pro-vie catholiques habillés en messagères de Jésus et des activistes anti-gouvernementaux. Nous retrouvons Clementina, dont c'est le QG. Une autre stratégie de la grève internationale des femmes, c'est de faire des actes d'apostasie. Ça veut dire de sortir de l'Église, qui est considérée par toutes les femmes de tout le monde comme l'ennemi des femmes aujourd'hui. Mais ça, ça a eu lieu d'ailleurs à Varsovie déjà, là à l'automne. Il y a des femmes qui sont sorties des Églises. Oui, oui, c'est vrai, il y a une vague de l'apostasie aujourd'hui. On parle de quelques milliers de personnes. Aussi, il y a des formes symboliques de s'habiller de noir, par exemple, pour les femmes qui n'ont peut pas faire la grève réelle. Donc ce sera le noir international. Et aussi une grève économique. Dans quelques pays, par exemple dans le cas de Russie, où les femmes ne peuvent pas manifester sur leur riz, elles feront une grève sexuelle et reproductive. Oui. Et qu'est-ce que c'est qu'une grève sexuelle? Sexuelle et reproductive. Et ostatnio w Rosji wprowadzono nowe prawo, które, en Russie, on a aboli la pénalisation de la violence domestique. Przemoc domową. Kobiety rosyjskie nie mogą wychodzić na ulicę. Jedna liderka de protester sur la rue, une des leaders de cette grève. Elle est assignée à résidence depuis 6 ans. La grève sexuelle et reproductive en Russie commence avec la grève internationale le 8 mars et sera continuée. La date terminale n'est pas connue. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Patrzysz na mnie z ekranu szklanego podczas faktów wydania codziennego. C'était l'inquiétude morale en héritage. Deuxième épisode de la série La liberté ou la liberté, contour du féminisme polonais. Avec Krystyna Janda, Clementyna Suchanów, Katarzyna Kądziela, Agnieszka Holland. Avec les voix d'Agata Czarnacka, Agnieszka Grudzińska. Coordination, Marie-Yvonne Abolivier et Perrine Kervron. Prise de son, Georges Thau, Alain Joubert. Mixage, Guillaume Leduc. Réalisation, Nathalie Batus. Une proposition de Johanna Kozinska. Thank you.